Frères et sœurs, vous savez que cette fête n'existait pas jusqu'il y a peu de temps. La fête de Marie, Mère de Dieu, autrefois, le huitième jour, après Noël, l'octave de Noël, nous célébrions ce qu'on appelle la circoncision de Jésus. Voilà pourquoi nous avons entendu ce texte qui termine par la mention de cette circoncision. C'est très beau cette circoncision, c'est toute la loi juive. Et c'est le moment où, officiellement, l'enfant qui est déjà juif, mais devient vraiment juif officiellement devant tous. Le premier, le garçon, devient un juif et il reçoit cette judéité, cette appartenance de sa mère. Donc c'est le moment où, d'une certaine manière, c'est la mère qui reconnaît pleinement cet enfant comme le sien et qui lui transmet cette filiation. Alors voilà, cette fête aujourd'hui maintenant est... C'est la fête de Marie, Mère de Dieu. Et donc nous concentrons vraiment nos regards sur la Vierge. Alors vous savez que cette fête de Marie, Mère de Dieu, cette dénomination, elle vient du concile d'Éphèse en 431, qui devait lutter contre toutes sortes d'hérésies. Et vous savez que les hérésies, il y en a deux types. On pourrait chercher, il y a deux types d'hérésies principales. La première, c'est lorsque on nie la divinité de Jésus, ou on la nie quasiment, on dit voilà, Jésus est Dieu, mais pas complètement, il est quasi Dieu. Et la deuxième, c'est lorsqu'on nie l'humanité de Jésus. On dit Jésus est vraiment Dieu, mais il n'est pas vraiment homme, il a une enveloppe corporelle humaine, mais il n'est pas vraiment homme. Et là, vous voyez ce titre de Marie, Mère de Dieu. Ça n'est pas d'abord pour parler de la Vierge Marie, c'est pour parler de Jésus. Pour dire que cette femme, qui est vraiment une femme comme vous, mesdames, une vraie femme humaine, est aussi la mère, en étant la mère de Jésus, la mère d'un homme, est la mère d'un Dieu. Et donc c'est pour nous rappeler que Jésus est en même temps vraiment homme, puisqu'il est né d'une femme, comme nous dit la lettre aux Galates que nous avons entendue. Et en même temps, il est né de Dieu. Il est Dieu. Donc c'est vraiment un titre qui résume vraiment le mystère chrétien du Christ. Des deux natures du Christ. De l'union parfaite entre la nature humaine et la nature divine en un homme. Du trait d'union entre le ciel et la terre. Et Marie, elle est crainte de ça. Marie est le saint virginal qui a permis cette union. Alors ça, c'est merveilleux quand on pense à ça. Marie est la mère de Jésus, donc elle est la mère de Dieu. Et il faut aller plus loin. Elle est la mère de Jésus, mère de Dieu. C'est un mystère insondable. Vous voyez, toutes celles qui sont mères savent que le fait d'être mère, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Il y a un lien entre une mère et son enfant qu'aucun lien humain ne peut égaler. Donc Marie a un lien extrêmement particulier avec Jésus. Elle a une vocation unique, absolument unique. Elle a une vocation unique parce qu'elle est d'abord la mère de Jésus. Pensez ça. La mère de Jésus. Elle l'a dorloté, elle a souffert pour lui, elle n'a pas dormi la nuit. Elle s'est occupée de lui toute son enfance et puis après, elle a continué de souffrir pour lui jusqu'à sa mort où elle a eu le cœur transpercé d'un glaive. Comme toutes les mères auraient devant un fils qui meurt. Vous imaginez ce lien extraordinaire que Marie a eu avec Jésus, qui est un homme, son fils, son enfant, et en même temps qui vient du ciel, qui lui a été mis en elle par l'action du Saint-Esprit. Alors ça, c'est déjà le premier mystère. Le deuxième mystère qu'il faut contempler aussi, c'est que Marie, voyez, tout en étant la mère de Jésus, elle est la mère de Jésus tout entier. Vous êtes d'accord avec moi, elle n'est pas juste la mère de la tête, sans être la mère du corps de Jésus. Sinon, ce serait monstrueux. Et donc, si on va plus loin, comprenez, Marie est mère tout entière de Jésus. Elle est mère selon la nature humaine, mais aussi selon la grâce. Alors ça, c'est un grand mystère. Donc, elle est mère de la tête et du corps. C'est pour dire qu'elle est mère de tous les hommes. De tous les hommes qui se laissent toucher imprimé qui se laisse prendre par la grâce de Dieu. Elle est notre mère aussi. Vous voyez, elle est mère de la tête de Jésus et la mère du corps, et le corps, c'est l'Église. C'est nous. Nous sommes membres de Jésus. Regardez, lorsque nous communions, nous recevons le corps du Christ, nous sommes incorporés à Jésus. Ce corps vient en nous et nous devenons le corps de Jésus. Mais c'est une réalité très concrète, vous voyez. Jésus n'a pas voulu nous laisser avec des discours, il nous a laissé un sacrement pour nous faire comprendre ça. Vous êtes membres de mon corps, chacun. Donc, vous êtes aussi, vous, les enfants de Marie. Vous êtes son petit enfant, chacun d'entre vous, son petit. Elle vous a enfanté dans la grâce. Elle est votre mère, vraiment. Et ce ne sont pas que des mots. Elle est vraiment votre mère. Tout ce que vous vivez dans l'ordre de la grâce, tout ce qui se passe en vous par la puissance de l'Esprit Saint, par la puissance de Dieu, c'est par elle que ça se passe. Et même si vous la niez, même si vous protestez comme les protestants, en disant « Non, il n'y a que Jésus », eh bien, vous n'y pouvez rien, elle est là. Elle sera toujours là. Vous avez un Père dans le ciel, vous avez aussi une mère. Et cette mère, c'est Marie. Marie est votre mère parce qu'elle est tout accueil complet de l'Esprit Saint. Elle devient votre mère selon la grâce. Alors, Vierge Marie, vous êtes notre mère. Et nous voulons ce matin nous remettre totalement encore comme un enfant dans les bras de sa mère. Voyez, ce début d'année, 1er janvier, ce n'est pas un hasard si nous fêtons Marie, Mère de Dieu, c'est parce qu'il faut que nous nous rappelions que, voyez, nous commençons une nouvelle année, alors ce n'est pas l'année liturgique, c'est l'année civile, mais tout de même, ça a des forces symboliques pour nous. Eh bien, que nous commencions cette année en nous rappelant que nous avons une mère au ciel, et que cette mère est toute puissante, et que donc, nous ne pouvons pas la négliger, si nous voulons avancer vraiment dans la grâce. Donc cette année, vous voyez, nous avons toute la perspective de cette année. L'objectif, nous l'avons rappelé hier pendant la nuit, c'est de vivre en Jésus, de vivre avec lui tout, d'être en lui, d'être imprégné de la puissance de Jésus. Et bien pour ça, nous devons passer par elle. Nous devons absolument passer par cette mère qui est notre mère. Je suis l'enfant de Marie. Donc je suis tout à Marie, comme un enfant tout à sa mère. Je suis tout à elle. Je suis pas l'adulte indépendant. Je suis l'enfant de Marie. Et toute ma vie, je resterai l'enfant de Marie. Si je commence à vouloir être indépendant, alors je n'avancerai plus. Je ne pourrai plus accueillir vraiment la grâce telle que Dieu veut me la donner. Je dois être l'enfant de Marie. Je dois être tout à elle. Je dois donc tout faire comme un petit enfant est avec sa mère, tout se fait par elle, avec elle, en elle, pour elle. Vous voyez, un petit enfant, il n'a pas d'autre référence. Il a sa mère. Il a aussi son père, bien sûr. Mais il a sa mère. C'est sa mère qui le dorlote. C'est sa mère qui le change. C'est sa mère qui lui apprend à marcher. C'est sa mère qui lui apprend à manger. C'est sa mère qui lui fait à manger. Et donc, toute sa vie, elle est dans les mains de sa mère. Et tout ce qu'il fait, regardez, quand un enfant fait quelque chose, la première chose qu'il fait, regarde maman. Regarde ce que je fais. Tout est fait en référence à elle. Eh bien, nous devons être pareils, nous aussi, avec Marie. Tout par elle, tout avec elle, tout en elle, tout pour elle. Alors, je rappellerai aussi que, pour que nous soyons sûrs de ne pas nous tromper, que si Marie est devenue, pensez à ça, Marie, le ventre, le sein de Marie, les entrailles de Marie sont devenues, par choix de Dieu et parce qu'elle est toute pure depuis sa conception à elle, totalement préservée du péché, devenue comme le moule qui a été choisi, dans lequel Dieu a jeté la matière pour faire son Fils sur la terre. Elle est le moule de Jésus dans son humanité, de son corps, de ses bras, de ses mains, de ses jambes, de son cerveau et finalement aussi de son âme. Imaginez ça, Marie a été le moule qui a été choisi. Et ça continue après la naissance, bien sûr. Elle l'a entièrement éduqué avec Joseph. Elle a façonné son humanité, conduite par l'Esprit Saint, uniquement, bien sûr. Elle ne pouvait pas le faire avec son humanité seule. Il fallait qu'elle soit totalement accueillante à l'Esprit Saint pour pouvoir agir comme il fallait, pour éduquer Jésus l'enfant de Dieu, et pour que Jésus devienne hein, celui qu'il est. Alors, voyez, si nous jetons dans les bras de Marie, si nous rentrons dans le sein de la Vierge Marie, dans les entrailles de la Vierge Marie, nous rentrons dans ce moule. Alors la Vierge Marie va peut-être nous broyer un petit peu pour nous assouplir, pour que nous puissions épouser ce moule et nous aussi nous laisser éduquer par elle pour devenir Jésus, pour devenir vraiment ce que nous sommes, chrétiens, membres du corps de Jésus. Tant que nous ne sommes pas totalement dans les mains de Marie, que nous ne laissons pas faire, eh bien nous sommes comme un petit membre un peu hirsute qui fait sa vie. Alors que si nous passons par elle, tout se fait. Et vous comprenez, c'est absolument nécessaire de passer par elle. Parce que c'est quoi le but? C'est quoi finalement le chemin? Eh bien c'est Jésus, Jésus qui va vivre une vie extraordinaire, qui va répandre la grâce sur la terre, mais qui va aussi souffrir terriblement. Et quand Jésus nous dit, celui qui ne prend pas sa croix, et ne peut pas être, chaque jour, ne peut pas être mon disciple, comprenez, cette phrase est terrible. Terrible. Nous ne pouvons pas être les disciples de Jésus, nous ne pouvons pas devenir Jésus nous-mêmes, si nous ne prenons pas notre croix jour après jour. Eh bien, ceci doit être complété par cette phrase de Jésus à Saint Jean sur la croix. Voici ta mère. C'est elle qui va t'apprendre. C'est elle qui va te permettre de vivre la croix. Je rappelle toujours ce petit détail. Au pied de la croix, qui y avait-il? Il y avait Marie. Et vous allez me dire, mais il y avait aussi Saint Jean. Regardez bien ce que l'Évangile dit. Près de la croix se trouvait Marie, sa mère. Et près d'elle, le disciple bien-aimé. Près de Marie. Comprenez? Bien sûr qu'il était près de la croix. Pourquoi est-ce qu'il était près de la croix? Parce qu'il était près de Marie. Il était tout collé à Marie. Et c'est elle qui, au pied de la croix, lui a enseigné le mystère chrétien, le mystère de Jésus, et qui l'a façonné à l'image de Jésus pour être tout accueil de la croix. Alors, frères et sœurs, ce matin, comme nous entrons dans cette nouvelle année, et que les choses doivent être concrètes, vous savez, on peut parler beaucoup, je pourrais encore parler des heures hein, sur la Vierge, hein, si vous voulez, mais bon, il va falloir quand même qu'on avance. Alors, nous allons demander au Saint-Esprit de descendre sur nous. C'est ce que l'Église nous propose, de chanter le Veni Creator en ce jour, pour confier notre vie, bien sûr, à l'action du Saint-Esprit, et tout en passant par elle, par Marie. Et donc, je vous invite maintenant à prendre quelques instants avant de chanter le Veni Creator pour choisir dans votre vie un point, un trait de votre caractère, une faiblesse que vous avez, une difficulté, un péché qui revient toujours, qui revient trop du moins, quelque chose que vous allez confier à Vierge Marie pour qu'elle vous éduque, elle. Et donc en chantant le Veni Creator, vous laisserez la Vierge Marie vous prendre et vous apprendre à rejeter ce péché, rejeter cette faiblesse, rejeter cette misère, non pas la rejeter si c'est une faiblesse, mais à l'accueillir par elle. Ce sera notre croix de l'année que Marie nous tendra. Et comme dit Saint Louis-Marie Guillaume de Montfort, ceux qui sont les enfants de Marie n'ont pas moins de croix que les autres, seulement c'est Marie qui leur tend et Marie met un peu de confiture dessus. Ce sont des croix confites. Alors, soyons sans crainte, si nous prenons Marie pour mère, elle va nous aider, elle va changer notre vie, elle va changer notre cœur par l'action du Saint-Esprit et elle va nous rendre semblables à Jésus. Prenons cette décision maintenant.